Ah, ah mon jojo. Ah, mon caca. Mes amis, vous l'avez remarqué, les beaux jours arrivent, alors forcément, c'est la panique. Tout le monde pense à la plage. Du coup, pas mal de monde vient me voir et me demande des conseils. C'est normal, ils sont nombreux à avoir entendu parler de l'esthétique de mon corps. Oui, comme cela c'est bien décrit, Ngele O Ngele Babala, oui, le poète togolais. Le corps d'Helmut, c'est la puissance du continent africain résumée dans l'enveloppe d'un seul homme. C'est la force du soleil qui est dans son regard. L'impact du rhinocéros est dans son torse. L'agilité du grand macaque est dans son squelette. La vitesse du guépard est dans ses mollets. Et pour finir, il a dans son slip la conviction du crotal. Bref, j'organise depuis peu des séances de remise en forme. J'ai ma méthode. Le Helmut's Way of Life. Virilité, sensualité, transpiration et humiliation pour retrouver la forme au fion. Alors les gros culs, on s'est enfin décidé à faire quelque chose ? On en a marre d'essayer de mettre des maillots de bain médium avec des grosses fesses XXL. On vient faire un break du gras, une pause cellulite, un bye-bye bourrelet. Allez, il va falloir tout me donner, bande d'huîtres! Ouais, c'est pas l'armée non plus. Une autre marque? Non? Eh bon, on va y aller! Et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et quatre. Vous pouvez arrêter de fumer, s'il vous plaît, pendant les exercices. Toi, tu la fermes, tu fais tes pompes. Oui, mais là, je me sens pas bien. Si tu vomis, c'est pas 500 pompes qu'on va faire, mais 3000. Toi, là-bas, toi, mais ça va pas t'arrêter au milieu. J'ai soif, j'ai soif. Tiens, prends ça. C'est quoi? De l'eau? Non, du schnapps. C'est ce qui se fait de mieux pour récupérer. Allez, on se dépêche! À suivre le tour du périph' sur une jambe! Et voilà. Voilà, mes amis. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, vous appelez WFM pour vous inscrire. Allez, au revoir, les amis.